C'est la chanson de mon grand-père, celle qu'on a chantée avec le cœur. Tous les mots, je les ai perdus, je me rappelle la mélodie, celle qui fait comme les bateaux en papier. Navigateur de souris. Tous les mots, je les ai perdus, je me rappelle la mélodie, celle qui fait comme les bateaux en papier. Navigateur de souris. Ça c'est la chanson de mon grand-père.